au chemin des étoiles. Est-ce qu'on attend le premier jour de mai? Quand c'est la rue qui se met à chanter, je suis en colère à ne plus savoir où s'en va la vie. On se demande. Cacahuète me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Mikao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Cahuamel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Caliban. Mamselle le son long me traite de con. Bonjour, on est bien dans l'émission des ADOS. On est le mercredi 3 avril 2019. Je passe la parole à Corinne. Bien, merci Juliana. C'est de mieux en mieux la présentation. Alors aujourd'hui nous avons une invitée. Oui. Alors tu pourrais peut-être te présenter. Bonjour, alors je m'appelle Émilie, je suis aide médico-psychologique à l'IME de Saint-Amy. Voilà. Et vous, vous voulez vous présenter chacun votre oui. tour? Oui. Bonjour, je m'appelle Juliana, toujours présente. Bonjour, je m'appelle Camille. Bonjour, je m'appelle Steven, toujours à la rescousse. Timothée, bonjour. Je dis. Bonjour. Bon. Et en technique, nous avons... Christopher. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien aussi. Et tu es avec qui? Marion, bonjour à tous. Eh bien, bonjour à Marion. Alors, tout le monde va bien? Oui. Sans hurler, merci. Alors, la dernière fois, il y avait une chanson mystère choisie par... Géraldine. Géraldine. Apparemment, personne n'a trouvé. Non, on n'a pas aimé. C'était Mathieu Chédid et... Mathieu. Bon, voilà, c'était Mathieu Chédid. Oui, et aujourd'hui, il y en a une nouvelle. D'Émilie. Choisie par Émilie. On écoute. Ça va bouger, courir. Ah, c'est oui, pas ça va bouger. C'est pas animé. Mais allez. Quoi? J'ai dit ça va juste bouger, je n'ai pas dit le titre. Moi, je sais c'est quoi. Without you. Voilà. Monsieur Saint. Très belle chanson. Donc on ne dit pas qui c'est, mais par contre, on va demander à Émilie. Il y a Zinedine qui fait un gros zéro avec ses doigts. Ben, on te demandera tes commentaires après. Hey, alors, Émilie, pourquoi as-tu choisi cette chanson? Parce que je l'aime bien au départ, mais elle a été reprise aussi dans un film qui s'appelle Ne le dis à personne. Et c'est un film qui est magnifique. Et voilà. La chanson va bien avec. Ah. Je croyais qu'Émilie la dira, bah, c'est une chanson quand j'ai rencontré mon mari. Pas du tout. Alors, les commentaires sur cette chanson? Moi, je te mets 90-90. J'adore. Camille, tu aimes? Oui. Je mets 1000 plus 1000. Oh. Et plus 1000. Timothée. 200. Alors, Zinedine. Oh, qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson? Zéro, voilà. Zéro. Oui, alors, Corinne. Quand on met à zéro, il faut dire pourquoi. Corinne. Pourquoi? Ça bouge pas assez pour toi? Non. Corinne. Ah, non. Corinne, le micro il va tomber. Ah bah attends, Émilie va lui remettre. Et toi, Christopher? Ah. Ah. Quoi? Qu'est-ce que tu as pensé de la chanson? J'ai pas trop aimé. T'as pas trop aimé? Il met un pour Émilie. Et Marion? Ah, moi j'adore cette chanson. Voilà. Bah écoutez, il y a la majorité de oui. Hein. Ah. Donc on va pas écouter ceux qui sont... Excellent choix. Alors, merci, qui veut commencer avec ses questions? Moi. Allez, Steven. Aimes-tu ton mari? Oui. À moi? Ça démarre fort, hein, Steven. Aimes-tu ton mari? Aimes-tu le foot? Bah, pas trop avant, mais de plus en plus. Quelle est ton équipe préférée? Allez, doucement, hein, parce que... C'est quoi, les plus, pas l'équipe du Toli. Quoi? Tu veux que je t'explique pourquoi? Oui. Parce que mes enfants jouent au Toli. Ouais. C'est beau, ça. Yeah. Alors, Zinedine, tiens, pose une question. Émilie. Oui, ça va être... Tu veux qu'Émilie t'aide? Oui. Voilà, Émilie va t'aider. Oui. C'est quoi, là? Alors, quel âge ont mes enfants? C'est ça, Zinedine? Oui. Oui. Alors, le plus grand, il va avoir 11 ans dans 2 semaines. Et le petit a 5 ans. Camille, est-ce que tu as entendu ce que Émilie vient de dire? Non. Voilà. Bah oui, forcément, tu parles en même temps. Tu peux répéter, répète, Émilie? Donc le plus grand, il va avoir 11 ans dans 2 semaines, et le plus petit a 5 ans. Ouais, c'est cool. Et vous n'avez pas envie de savoir comment il s'appelle? Vous savez comment? Alors Gianni et Livio. Ah. Bon. Gigi. Ensuite, allez-y. À moi. Je te travaille. Vas-y, Steven. Tes enfants sont-ils sages? Bah, pas toujours, hein. Comme tous les enfants. Vas-y, Timothée. Tu as un animal de compagnie? Alors oui, plusieurs. Oh. Deux chiens. Oh. Un lapin. Oh. Et deux poissons rouges. Deux poissons. Oh. Wow, wow, wow. C'est deux poissons chiens. Corinne. Ça fait beaucoup, ça. Oui, un petit peu, hein. Oui. Oui. Vas-y, Camille. Où tu habites? Au Toli. Aimes-tu ton travail? Ah oui, beaucoup. Ah, ça a l'air de t'étonner, Camille, pourquoi? Camille. Hein? C'est plus sacré, Camille. Tu es étonnée? Attends, Tu es étonnée que quelqu'un puisse aimer son travail? Non. Bah là, t'avais l'air tout à fait. Il faut ça. Le Camille. Allez-y, hein. Que faisais-tu avant le LIM? Alors, avant, j'y travaillais à la Masse du Toli, la maison d'accueil spécialisée, et encore avant, en maison de retraite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Allez-y, vas-y, Camille. Vas-tu à la patinoire? Non, pas souvent, non. Corinne, je pourrais avoir un stylo pour Paris, s'il te plaît. Merci. Veux-tu rester dans ton travail? Oui. J'aimerais bien. Ouais. Aliéme? Ou pas. Bah, tout dépendra des occasions qui se présentent. Oui, bah voilà. Voilà. Oui. Ensuite, allez-y. Alors, Christopher est muet. Comment vois-tu l'avenir pour toi? Bah écoute, je vais rebondir du coup sur une autre question que, hein, que Corinne avait préparée, mais comme j'ai eu un autre diplôme, l'année dernière j'ai passé une VAE, donc j'ai eu le diplôme de moniteur éducateur. Pour l'instant, il n'y a pas de poste à l'IME. Hein. Du coup, j'aimerais bien rester à l'IME, donc s'il y a un poste qui se libère, je prends. Hein. Mais s'il y a un poste ailleurs qui est intéressant et qui me permet de faire mon travail comme à l'IME, je partirai ailleurs. Mmh. Voilà. Oui, vas-y, Timothée. Pardon. As-tu un baby-foot? Alors, mon fils en a un, mais un petit, hein. Pas un gros comme on a à l'IME. Petit. Un baby-foot petit. D'enfant. Petit, moi. C'est petit. C'est petit. Qu'est-ce qui est petit? C'est quoi? Donc c'est vraiment petit. Hein. Ah, oui. Petit de chez petit. Hein. Oui. Non, pas tout petit non plus, mais il est plus petit que celui de l'IME. Parce que celui de l'IME, c'est un vrai baby-foot qu'on a. Ouais. Bah voilà, il est un peu plus petit. Ouais. Ah, je crois que Christopher s'est réveillé, pardon. Vas-y, Christopher. Fais-tu du bricolage? Oui. Ok. Voilà. Céline, à toi. Oui, j'écris mal, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est quoi celle-là? Il y a Fanny. Fais-tu du vernis? Voilà. De temps en temps. Oui. C'est bien de mettre du vernis, Zinedine. Oui. Oui. Pour enlever ta main, s'il te plaît. Quoi? Est-ce que maman, elle met du vernis? Non. Parle dans le micro, Zinedine. Non. Non. D'accord. C'est moi. Toi, tu mets du vernis? Oui. T'as déjà essayé? Et puis alors, ça fait comment? J'ai des gazons. On va te l'enlever, oui. Oui. Christopher, vas-y. Fais-tu du vélo? Oui, un petit peu. En balade, hein, pas en sport. Vas-y, Juliana. Fais-tu du sport? Oui, et mercredi soir, Juliana. Tu veux savoir ce que c'est? Oui. C'est du body training, ça s'appelle. Et tu vas ce soir? Voilà. Vas-y, Steven. Aimes-tu tes enfants? Ah bah oui, très fort. Heureusement. Oui, on va pas abandonner ces enfants dans la forêt. Ah bah non. Alors, est-ce que ça t'inquiète, ça? Non. Voir si les parents aiment bien leurs enfants. Oui. En général, oui, toujours. Hein. Mm. Hein, c'est oui. Normal. Hein. Ton travail était difficile? Je dirais pas qu'il est difficile, après, il est très intéressant. Après, à certains moments, quand il y a de la violence, oui, ça peut être difficile. Voilà. Faut de l'aide. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait du relais, qu'il y ait des collègues, qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour éviter ça. On n'a pas des métiers faciles, ouais. Hein, faut le dire. De ma qui tu? Vas-y, Christopher. Quel âge as-tu? Ah. 34 ans. Oh. Ah, c'est très jeune. Va marquer, ça. C'est très jeune. Il va le marquer. Il va le marquer. Il faut pas oublier. C'est bon, j'ai marqué. Hé, hey, Jean-Jean. Qui c'est qui veut poser son... Ah. Et cherchait du don. Qui est ton chef? Monsieur Ballon. Ah. Quelle est la fonction de Monsieur Ballon? Vous savez? Non. La fonction de Monsieur Ballon, c'est quoi? De mettre les gens, c'est de prendre les enfants au bureau si on fait des bêtises. Pas que. Alors, ça fait partie, mais c'est pas les principales. Quelle est la fonction de Monsieur Ballon? Chef de service. Voilà, bien, Juliana. Oui. Bouge, Jean. Ensuite, vas-y, Christopher. Fais-tu du tricot? Alors, j'ai essayé il y a longtemps, parce que j'aimais bien, mais non, j'en fais pas. Okay. C'est pas mon truc. prochaine. Demain qui tue? Oui. La preuve, ça se voit. Oui. Demain qui tue. J'ai des besoins. Quelle est ta couleur préférée? Le violet. Que les filles aiment bien le violet. Hein. J'ai pas de violet. Il me semble que Géraldine, c'était pareil, non? Je sais, j'ai pas écouté du coup. Non, c'était le vert. C'était le vert. Oh. Non, c'était Angéline. Le violet. Fais-tu de la cuisine? Oui. Tous les jours. Ok. Toi, tu fais la cuisine? Ouais, un peu. Corinne. Okay. Vas-y, Timothée. Quoi? On en dirait. Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Moi, c'est le rouge. Hein. Moi, c'est le rouge. Émilie, moi, c'est le rouge. Moi aussi. Le vert. Le vert, ça, c'est... Aimerais-tu une chef? Comment? Aimerais-tu une chef? Pas du tout. Non. Il y a des personnes qui sont faites pour être chef, puis d'autres, non, je pense. Et moi, non. C'est quoi, ça fait? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour être chef? Un diplôme spécialisé. Il y a un diplôme, oui, mais bon... Il faut bien être exigeant. Il faut être exigeant, ben oui. Il faut quand même faire preuve d'autorité. Hein? Non? Si. Monsieur Ballon, il est autoritaire. Ah oui, oui. Oh là là. Vas-y, Juliana. Fais-tu les boutiques? Pas beaucoup. J'aime pas trop ça. J'ai fait, il est bizarre. Vas-y. Fais-tu du cheval? Du cheval? Non, non plus, non. Non. Après? As-tu un mari? Oui. C'est quoi? Depuis 15 ans. Oh, oui. As-tu un jardin? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais pousser dans ton jardin, Émilie? Bon, un peu de tout. Courgettes, concombres, radis, potirons, un peu tous les légumes. Des tomates. C'est bien ça. Des fraises. Des fraises. Des fraises Tagada. Ça pousse pas dans le jardin, ça. C'est dommage, mais. Des boubous. Hier, vas-y. Aimes-tu les films d'horreur? Oui, mais. Un petit, enfin voilà, il faut pas que ce soit trop horreur non plus. Hein? Quel est ton travail, Asim? Bah de m'occuper de vous. Ok. Éducateur. Bah oui, après on fait un peu tout ce même travail. Il y a des choses qui diffèrent, mais moi je suis aide médico-psychologique, mais après oui on est tous là pour vous en tout cas. Aimes-tu ton chef? Bah, aimer, c'est... je le respecte en tout cas. Voilà. Après, je pense pas que j'ai à l'aimer ou pas, je le respecte. C'est pour tes chefs, hein, Steven. Toi, hein. Beaucoup de questions sur le chef. Christopher, il a une question pour tout. Alors, courant. Oui, vas-y. As-tu une voiture? Quelle couleur elle est? Oui, noire. Ok. Moi, je la vois tous les matins. Noir, parce que t'es noir, ça tombe bien. Fais-tu un autre travail en dehors de l'IME? Non. Ça prend déjà beaucoup de temps. Vous connaissez des gens qui cumulent deux travail? Non. Non. Non. Non. Non. Bon, ça doit pas être facile, hein, quand vous avez déjà fait vos 8 heures, on va faire un travail après. Émilie, elle a des enfants à s'occuper en rentrant. Oui. As-tu un ordinateur? Oui. Corinne? Attendez, vous allez vite, là. Je suis plus là pour vous. Vas-y. As-tu un oncle et une tante? Oui, plusieurs même. T'as une famille complète. Voilà, c'est ça. Non, c'est quoi des oncles et tantes? C'est des tatas et des tontons. Ah bah oui, c'est sûr. Mais... C'est pas sûr. C'est la sœur à maman et les sœurs à papa. Oui, frère aussi à papa ou maman. C'est ça, bien, Juliana. Oui, Christopher. Fais-tu de la peinture? J'en ai fait, mais plus en ce moment. J'ai plus beaucoup de questions, moi. Zinedine, il faudrait peut-être y aller. Tu te fais aider d'Emilie, parce que je sais que ouais, c'est pas facile. Ouais. De quelle est Pose ta question. Là. De quelle est hein? Alors, tu ne t'es voilà, oui. Oui, oui, d'accord. Vas-y, continue, Zinedine. Hein. Tu comptes Est-ce que je chante? Oui. Dans ma voiture. Oui. T'as plus qu'à installer un micro dans ta voiture, voilà, tu chantes. Attends. Ah. Tu veux continuer? Vas-y. Alors, est-ce que mon mari est beau? Bah, pour moi, oui, en tout cas. Peut-être pas pour tout le monde. Je veux quoi un peu, moi, c'est quoi? C'est quoi tout le monde? Bah, attends, il y a Christopher qui est en panique, là. Passes-tu la tondeuse? Oui. J'aime bien. Passes-tu la tondeuse? Bah, c'est pas toujours moi, hein, mais... comme on a beaucoup de vacances, je le fais. Vas-y, Julien. As-tu encore tes parents? Oui. C'est quoi? Attends, voilà. C'est quand ton anniversaire? Alors, le 26 décembre. Ah! Lendemain de Noël. Vous rendez compte? Ah, c'est quand même noir. Bah oui. Ah, c'est vrai. Tu dois être déçu de ne pas avoir ton Noël, ton anniversaire à toi. Alors, est-ce qu'Emilie, tu as double cadeau? Tu fais ta Noël, il y a ton anniversaire le lendemain. Non, mais j'ai des beaux cadeaux. Ah. Voilà. Et ils ont l'air mignons. Souvent un cadeau, mais un beau, quoi. Un gros. Oui, vas-y. Est-ce que tu vas parcours santé? J'ai pas compris, Christopher. Au parcours santé. Au parcours de santé? Oui. Bah, ça m'arrive, oui. Vas-y, Camille. Fais-tu du gâteau? Des gâteaux? Oui. Alors, quelle est ta meilleure réussite en gâteau, La tarte au citron meringuée. La tarte au citron meringuée. Vous aimez, vous, dans... Tu vas nous donner faim, arrête, arrête. Oui. Oui. Alors, juste avant, t'as dit non. Christopher a dit que c'était bon. Alors, toi, tu dis que c'est bon, maintenant. Nakato. T'aimes la tarte au citron, Zinedine? Là. Est-ce que tu aimes la tarte au citron? Non, je fais ça. D'autres gâteaux, quoi. Oui. Oui, Christopher. Est-ce que tu vas au marché? Pas souvent. Christopher, il va tous les dimanches, lui, à la Bresse. Non, il ne va pas, moi. Bah, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, c'est dommage, c'est tout près, en plus. Bah oui, tu pourrais y aller, hein. Corinne. Hein? Corinne. Moi, j'adore les gâteaux au chocolat. Ah, bah oui, voilà. Les bissards, moi. Hein. Moi, des bissards. Je vois ça, tu te frottes déjà le ventre. Moi, des bissards. Moi, des bissards. À qui? J'ai marqué la date de nuit. Pour mettre sur ma tablette. Ah, bien. Oui, Christopher. Vas-tu à la bibliothèque? À la médiathèque, oui. Merci. Allez-y, hein. J'ai fini, moi, courir. Les cafés, on écoute. Les cafés, toi. Est-ce que. Alors. Ça, je réponds. Les cafés, toi. Si j'aimerais être coiffeuse. Oui. Alors, pas du tout. Corinne. Non. Corinne. Ah, je suis de... Si tu aimerais être coiffeuse. C'est plus de. Attends, je te le dis. C'est mémoire de poisson rouge. 26 décembre. Alors. Des fois. Des fois, ton chef te râle dessus si tu fais mal ton travail. Bah, ça pourrait arriver. Pour l'instant, c'est encore pas arrivé. Donc, voilà. Mais en effet, si je fais mal mon travail, oui. Ah, d'accord. Il me le dira. Voilà. Les chefs, c'est fait pour ça, t'as raison. Ouais. Quand on fait mal son boulot, forcément... Attends, monsieur Tom. Qu'est-ce que tu dis, Zinedine? C'est quoi ça? T'en as encore? Oui, c'est quoi? D'accord, une non. Là, c'est la même, ça. Pourquoi c'est la même? Ben, c'était une grande phrase. Oh. Hein? Oui, alors Zinedine, vas-y. Je vais quelque chose, c'est ça. Est-ce que je pars en vacances? Oui. Bah oui, pas tous les ans, mais oui. Oui. Oui. Vas-tu à l'église? Alors pour les baptêmes, les mariages, les enterrements, voilà. Non, j'y vais pas, mais s'il y a un baptême ou une raison, oui. Tu vas tous les dimanches, toi, Christopher? Non. Tu vas prier? Non. Ça, ah, oui. Hein? Je crois pas à Dieu. Comment? Je crois pas à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui vont à l'église les dimanches? Jamais, moi. Moi, c'est quand il y a... Ah, non. Quand il y avait mon mariage de ma soeur, de mon frère, elle va tellement... Oui, donc comme Émilie. De l'enterrement de mon oncle. Ouais. Donc personne ne va prier le dimanche? Non. Si, une fois... Si, une fois j'étais avec maman, on a brûlé un cierge avec maman. Oui. Un cierge? Ouais. Ah, donc tu as fait une prière? À maman. Sure. Oui, Christopher. Est-ce que tu fais des barbecues? Non, on était en train de parler de quelque chose. Toi, t'es déjà à la question suivante. Désolée, j'attendrai. J'aime pas être à l'église, tu sais pourquoi? Parce que ça sent l'église. L'église, ça sent? Oui. Ça sent quoi? En général, il fait jamais trop chaud dans les églises. Mmh. Hein? Non, ça sent pas bon dans l'église. Ça sent pas bon dans les églises. Ça sent la mort. Oh! Je trouve ça sent la mort, toi. Pourtant, oui. On fait des mariages, on fait des baptêmes, c'est la vie, ça. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des enterrements, t'as raison. Oui, j'aime pas. Moi, t'aimes pas. Ah bon? Moi, quand je vais à l'église, j'ai peur. T'as peur de quoi? Qu'il y a la mort qui vient. Du coup, je tremble. Mais Zinedine, toi, tu ne peux pas parler de l'église puisque tu n'y vas pas. Bon, c'est chihuahua. C'est quoi? Et un va Didi. Il dit chihuahua. Ouais, bon. Allez, vas-y, Christopher. Tu peux poser. Est-ce que tu fais des barbecues? Ah, bah oui. Voilà. Terminé. Voilà, je suis débarrassée. Oui, c'est ça. Ça veut dire ça. J'entends. Hein? Alors, on va faire la première pause, tiens. Le temps qu'on fasse le foin, là, on va demander à Marion qu'elle nous mette la chanson de je sais plus. De moi de, c'est Juliana, Maître Gims. J'aurais pas de la mettre, si, je suis. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey! On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Les avis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. si je vous gêne, bah c'est la même. Corinne. Je sais pas. Je connais quelqu'un là, l'IME qui dit tout le temps je sais pas. C'est Camille. Camille. Non, non, c'est pas Camille, Théo. Quelqu'un d'autre. Ah. Théo, oui. Tu t'appelles Théo, Camille. Donc j'étais en train de vous dire là en aparté que si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, surtout n'hésitez pas à demander à Émilie. Oui, d'accord. On te fera un petit peu parler. Hein. Elle est là pour ça, Émilie. Hein. Aimes-tu les chats? Pas trop. Non. Oui, les chats, je fais achio. Les chats. Ah, toi, tu fais achoum. Oui. Pose ton micro, Zé. Ouais. Donc, tu es allergique aux poils de chat. Ouais. Ah, donc, tu n'en as pas chez toi? Non. Non. Tu n'as pas de chien non plus? Non. Oh. Est-ce que tu as des poissons rouges? Ouais, t'as cassé, moi. T'as cassé les poissons? Oui. Bon. Bah t'en auras pu, en tout cas. Hein? Vous êtes cassé mes os, moi! Donc, moi j'ai préparé quelques questions à Émilie aussi, hein, sur son métier. Hein. Mais je viens de vous dire, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Mmh. Alors, j'ai demandé à Émilie. Donc, tout à l'heure, tu disais que tu étais AMP, mais en même temps, tu es monitrice éducatrice, puisque tu viens d'être diplômée. Non. Alors. Bonne journée. Bah attends, je termine moi par contre. Moi Didi, j'ai fait la casse besoin moi. T'as remarqué, j'étais en train de parler, Zinedine? Oui. Voilà, merci Zinedine. Donc maintenant que tu es ME, Émilie, comment envisages-tu ta progression professionnelle? Bah déjà de trouver un poste d'ME. Voilà. Parce que si j'ai passé le diplôme, c'est pour avoir le poste qui va avec. Pour l'instant, voilà, on va voir. Je regarde de temps en temps, puis on verra ce qui se profile. Et après, pourquoi pas faire éducatrice plus tard, quoi. Une fois que j'aurai de l'expérience en tant qu'ME. Allez, viens. Et des bois café. Dans le micro, Juliana. Pourquoi tu fais le travail à l'IME? Pour apprendre. Bah pour apprendre, non, normalement, je sais déjà, Steven. <Ouais. rire> Je suis censée savoir. Bah parce que j'aime bien travailler, j'aime bien le fonctionnement, j'aime bien. Il y a différents groupes, on fait différentes activités, du professionnel, du sensoriel, enfin, voilà, c'est varié et c'est intéressant. Et vous, si vous aviez le choix, vous préféreriez être dans un autre IME? Non. Ah non, Corinne. Donc ça veut dire que ce que vous faites à l'IME vous satisfait? Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Bah que vous êtes content de ce que vous faites là. Oui. Non. On veut Laura, oui. Ça va être bien. C'est ça tu dis? On veut Laura est là. C'est une sortie qui est prévue mardi. Ouais. Ça a l'air bien. Oui. Hein. Ouais. Christopher. Oui. Ah, il est plus avec nous, Christopher. Oui. La technique, on l'a perdue. Hein? Oui. Et toi, Timothée? On l'a bien. De quoi? Voilà. Nous avons perdu Timothée aussi. Ça fait déjà deux. Hein? Non, mais j'écoute. Hein. Oui, alors on parlait de quoi, là, Timothée? Je sais pas, moi. C'est pas trop. Ah, donc t'écoutais pas. Ouais. De quoi on parlait? De Émilie. Oui, non. Et de l'IME. Vous déjà là. Si vous étiez bien. Quoi? Si on avait le choix, on irait dans un autre IME. Si tu avais le choix, Timothée, est-ce que tu préférerais être dans un autre IME ou est-ce que à Saint-Amé ça te convient? Ça me convient à Saint-Amé. Ça te convient. Là, vous êtes tous heureux, alors, hein? Oui. Nous avons des enfants heureux. Oui. Ça, c'est bien. Et toi, Corinne? Quoi? Si tu avais le choix, tu irais dans un autre IME? Non. Je pense que c'est un peu partout pareil, Juliana. Et toi? Bah, un peu comme Corinne, oui. Le fonctionnement sera pareil ailleurs, ça ne changera pas grand-chose. Oui, il n'est pas là. Et puis, vous savez, on ne change pas les équipes qui gagnent. J'ai un peu des champions. Il n'est pas là. Céline, tu sais que... On parle. Je ne sais pas ce que tu fais, là, si tu chantes. Mais quand tu fais ça, on ne s'entend plus. Céline. Quoi? Tu peux dire quelque chose, ne pas faire ce que tu fais là. Oui. Donc déjà, tu lâches le micro. Oui. Voilà. Okay. Je continue, Camille. Quelles sont tes motivations dans ton travail? Après, c'est les enfants, ma motivation, mais c'est vous, hein, vous tous. Puis de faire, je pense que vous avez les mêmes chances et les mêmes droits que tous les autres enfants, en fait, qui sont dans le milieu ordinaire. Faire que vous réussissiez, que vous soyez heureux, épanoui, et vous ayez une vie d'adulte que vous vouliez. Ah, ça me touche. Oui, moi, Didi. J'ai pleuré. Est-ce que vous savez ce que c'est le milieu ordinaire? Non. Ça me touche quand même. Le milieu ordinaire, c'est-à-dire les enfants qui vont dans des écoles, par exemple au collège. Les collégiens, on peut dire, ils sont dans le milieu ordinaire. Même si vous allez au collège, c'est quand même une unité d'enseignement à part. Vous n'allez pas spécialement avec les collégiens, si ce n'est pour des inclusions. Si. Quoi, monsieur Jo? Vous n'êtes pas en tout temps au collège. C'est ça qui fait la différence. Non. Bon. Si. Alors, Émilie, quelles sont tes références dans ta prise en charge? Au niveau des lois, donc la loi 2005, la loi 2002. Après, je pense que, du coup, juste sur ce que je disais avant, c'est l'accès aux droits, aux chances, la scolarité, la culture, que vous donnez toutes les chances de votre côté. Voilà. C'est ça mes références, du coup. Dans les textes de loi. Voilà. Les textes de loi disent, par exemple, vous avez le droit à l'école. C'est pour ça que vous allez au collège. Et ça, il faut qu'on suive ça. Et ce sera de plus en plus que vous serez inclus dans les écoles. Je pas envie. Ah, Zinedine, tu veux bien laisser le manche du micro? Merci. Quoi, monsieur, je suis encore depuis. C'est de toi. Alors, Émilie, tiens, je rajoute une question. Merci. Tu dis donc les textes de loi, tout ça. Est-ce que les anciens à l'IME, c'est des références pour toi? Oui. C'est quoi, que tu veux dire les anciens? Par comme exemple, Corinne. Il y a moi, il y a Coralie, dans les plus anciens. Claude. Bon, il y a Thérèse qui est partie il n'y a pas longtemps. Claude. Et Marion. Claude. Claude, Claude, ça fait pas si longtemps qu'elle est à l'IME. Ça fait déjà longtemps. Mais c'était ça que je voulais demander, toi. C'est Thérèse, tout ça. Et toi, ça fait longtemps que t'as l'IME? 5 ans. Ouais. Oh là là. T'es venu avant moi ou après moi? Je suis arrivée après toi. T'étais déjà là, ouais. Ça fait un moment que t'as l'IME, Juliana. Bah oui. Et moi? Combien d'années? Moi, toi aussi. T'as 14 ans? T'as dû arriver vers 7 ans. 7 ans, ouais, je crois. Oui. Ça fait 7 ans. Oh, je dirais pareil. 6 ans, peut-être. Quoi. Parce que t'es un peu plus jeune que Juliana. Ouais, cherche un. Oui, bon, on va pas faire le tour, ça fait quand même, oui. Donc, du coup, pour répondre à ta question, bien sûr, après, toi, tu m'as accueilli. Quand je suis arrivée à l'IME, c'était sur la maison de sel, donc avec toi et Fanny. Et j'ai appris beaucoup de vous, quoi, au départ. Hein, parce qu'il y avait quand même une différence où je travaillais avant avec des adultes, la masse du Tourly et avec les enfants. Donc, après, j'avais des formations sur l'autisme, donc ils m'ont aidée aussi. Mais du coup, on prend aussi les expériences des collègues pour la prise en charge des enfants, quoi. Thérèse était sur le scolaire aussi, donc, il y avait beaucoup de choses, quoi. Elle a raison, Amy. La théorie, c'est bien, les formations et tout ça. Mais je crois que le terrain, il n'y a rien de tel que le terrain. On apprend beaucoup plus. Alors, voyons, il y en a. Bon, alors, Émilie, qu'est-ce que tu mets en avant dans ta prise en charge? Tes priorités? Alors, leur bien-être, déjà en priorité, numéro un. Voilà. Après? Après, après, ça dépend des groupes. Mais comme là, à la CIF Pro, je pense que l'autonomie, enfin, moi, je trouve ça important. Voilà, l'autonomie. C'est-à-dire, par exemple, le vendredi, je fais hygiène et autonomie avec un groupe. Je trouve ça important que plus tard, vous sachiez s'occuper de vous, vous laver, prendre soin de vous tout seul. Voilà, c'est primordial, je pense, dans la vie d'adulte. Mmh. Aussi, c'est au niveau de l'alimentation, au niveau de tout, que vous sachiez prendre soin de vous. Que vous soyez le plus autonome possible, c'est le but. Hein? Tout. Non, c'est pas ça. Chacha. Après, donc voilà, il y a le bien-être, il y a aussi vous apprendre, comme Juliana, après, c'est pas avec moi, mais je trouve que c'est très important au niveau professionnel. Hein, tu vas aux érables, apprendre un métier. Comme Steven. Voilà, oui. Steven, nous aussi. Ouais. Demain, on y va, du coup, c'est le dernier jour demain. Dernier jour avant les vacances. Ouais. Après, on y va pour aux érables. Le 11, on y va pas le 11. D'accord. Et du coup, je trouve ça très important aussi et que vous trouviez un métier que vous aimez aussi. C'est pour ça qu'il faut essayer plein de choses, en fait. Voilà. Pompier. Pompier, on n'essaye pas à l'IME. Hein, du coup, ouais, t'es un peu bloqué, là. C'est bien pour ça qu'il y a des projets personnalisés d'accompagnement tous les ans. C'est pour répondre au plus près de vos besoins. Moi, on les a fait là pour la plupart. Ben, ils sont tous passés ici. Année. Ouais. Et les éducatrices, ils ont un PPA à passer avec leur famille. Ah non. Non, mais on a des entretiens individuels, ça s'appelle. Qu'on a avec notre chef pour voir si comment on se sent dans notre travail, on se projette. Voilà. Donc nous aussi, on a des projets entre guillemets, ça ne s'appelle pas comme ça, mais non. Tu sais, nous, on est autonome, hein. Si moi j'avais encore besoin de mes parents pour avancer, non, on est un peu grand, là on se débrouille tout seul. Tu sais. Et vous aussi vous êtes encore jeune quand même. Hein. Non, moi j'ai 26 ans. J'ai 6 ans, moi. 26 ans. Vous aimeriez vous partir de chez vous? Non, oui. Non, non. Christophe a dit bien. Rester chez vos parents. Oui. On va partir. Toi, tu voudrais partir. Oui. Il va nous manquer. Partir moi, je pars où, de mes parents. M'installer quelque part. Oui, quand tu seras plus grand. Attends, là, t'es encore un peu jeune. Ouais. Ils habitent plus chez mes parents, moi. Pourquoi? Faut déjà que tu apprennes à prendre le bus. Par exemple, tout seul. Ah oui, tu vois, tu baisses la tête. Alors déjà ça, tu mets des freins. Donc, hein. Et tu vas voir, quand tu vas aller à la CIF Pro, là. Tu vas durcir tes cheveux. Il va durcir comme un caillou. Christophe, tes cheveux. En place, Christophe, ah oui. Pour toi. Tes cheveux vont durcir. Et info, les nénacrophobes. Que vos parents ne vont pas vous garder à la maison via Eternam. Hein. oui, à un moment donné, il faut se détacher un peu des parents. Imagine, Juliana, un jour, tu travailles aux érables, au final. Tu vas faire le trajet tous les jours pour rentrer chez toi? Non. Bah non. Donc forcément, tu vas intégrer... Un foyer, appartement... Si tu veux, on peut partir de chez nous, mais on peut aller les voir de temps en temps. Ah bah oui, bien sûr. T'aimes pas la vie en collectivité? Non. Le foyer, c'est comme si la famille nous abandonnait, alors j'aime pas les foyers. Ah, le mot foyer, mais c'est pas ça les foyers pour adultes. Tu vois, comme au-dessus de l'IME, le foyer tremplin, il y a des petites chambres, ils ont leur salle de bain, c'est pour être autonome. Ils ont leur petit coin à eux. Mais c'est pas parce que ta famille t'abandonne, Juliana, loin de là. Bah oui. C'est parce que tu grandis et qu'il faut que tu vives. C'est pas le foyer de l'enfance, quoi. Moi, c'est mignon, moi. Elle vivra chez Corinne. Lui, bisous. Comment? Elle vivra chez toi. Ah non. Elle veut venir. Ah non. Si. Non plus. Si. Et moi, les maisons, moi, j'ai cherché. Toi, tu veux rester à la maison? Non, mais je cherche une maison. Ah, il veut chercher. Tu chercheras une maison? Oui. Ah oui. Oh, t'as bien. Un château aussi, non? Un château hanté. Un château. Avec une. Non. Avec une. La Jimmy. Une Ferrari. Avec une Ferrari. Non. Une maison de luxe. C'est vivant. Voilà, allez, on se calme. La dernière question. Mais du coup, j'avais pas fini de répondre. Je peux ? Ah, pardon, bah, excuse-moi. Non, je voulais dire aussi ce qui était très important, je trouve, pour justement dans la prise en charge, mais au quotidien, c'est le travail en équipe. Voilà. Et je pense que tout seul, c'est impossible. Voilà. Déjà, on n'aurait pas le même regard. Et je trouve ça très important, justement, qu'on parle en équipe du mieux. Enfin, du mieux qu'il y a à faire pour vous, quoi. Voilà. Et qu'on puisse se mettre d'accord. Et la prise en charge. Voilà. Après, il faut du temps pour ça. C'est ça. Voilà. Et après, donc, comment vois-tu l'avenir de ta profession ? Bah, elle va changer, hein. Bah, ça se profile bizarrement, mais... Non, mais disons que... Là, on nous en a un peu parlé, du coup, à l'IME, enfin, même dans les autres IME, il y a... voilà, ce qui va changer, c'est que les enfants ne seront pas forcément là en tout temps. Donc, il y a des enfants qui pourront venir pour deux jours par semaine, par exemple, puis être pris en charge ailleurs le reste du temps. Alors, Émilie, moi, je voudrais savoir... C'est que comment vois-tu l'avenir de ta profession, de ton métier ? Ah ! Mais pour moi ? Oui. D'accord. Alors... excusez-moi. Bah moi je sais pas. Enfin on verra bien. Parce voilà. Que moi j'ai déjà entendu parler, par exemple, que d'ici quelques années, il y aurait plus de ME. Oui. Il y aurait plus que des AMP et des EDUC. Voilà. Donc je sais pas pourquoi j'ai passé le diplôme en fait. Bon. Après moi j'ai entendu aussi donc qu'il y aurait plus de d'EDUC sur le terrain. Par exemple qu'il y aurait un EDUC par établissement. Voilà. Il y a ça aussi qui, voilà, pour faire tous les papiers, pour prendre toutes les informations, enfin qui, comment dire, qui coordonnerait les équipes. Mmh. Voilà. Donc après, je sais pas, du coup, on verra ce qui se met en place et voilà, on verra bien. Du coup, tu partiras, qu'elle a dit, il n'y aura plus personne à l'IME. Elle pourrait dire Luc. Qui ? Toi. S'il n'y a plus d'ME, voilà, après moi mon but c'est de trouver un poste de moniteur éducateur. Tu restes à l'IME. Non, bah, ce serait bien Juliana, mais il faut dire au chef de me donner un poste. Si tu pars, je pars avec toi. Ah bon ? Non, mais elle ne va pas partir. Non, pas, c'est pas prévu là en tout cas. C'est pas prévu que je parte. Voilà. Mais donc. Ne vous en faites pas. Non. Ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que je reste ? Oui. Merci. Oui. Non, mais après, on entend tellement de choses, voilà, qu'il n'y aura peut-être qu'un éducateur par établissement, qu'il n'y aura plus d'ME, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, voilà, on va voir ce qui... Oui, le futur. Le médico-social est en perpétuel mouvement. C'est ça. Hein, plein de choses qui changent, les normes, les textes. On a même du mal à suivre. Oui, voilà. Pour se mettre à la page. J'ai une avoir coco et en tout cas... coco, j'ai... En tout cas, on sait qu'il va falloir s'adapter, quoi. De plus en plus, ça c'est sûr. Donc, voilà. Il faudra qu'on s'adapte et puis qu'on change peut-être notre fonctionnement après, de travail. On vous demande souvent à vous de vous adapter. Hein. Donc, si nous on n'est pas capable de s'adapter, là il y a des questions à se poser. Voilà, c'est ça. Hein oui. Oui, non, mais oui. Alors Marion, si on pouvait passer la chanson à Steven parce qu'il va me bouder toute la journée. Non. Pas ça. Voilà. Ah, il est mort. Voilà, tu vois Marion, elle te met ta chanson. Oui. Je fais ça déjà. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec toi, prends tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu réalises que rien ne bah ouais, quand tu auras un problème, j'accourrai. Si tu te noies, je serai ta bouée. Oh bébé, dis-moi ton secret pour m'avoir autant secoué. Car à toi, je suis voué. Chez toi, la bouée. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise? Avec quoi prends tes valises? Que l'on officialise. Oh, donne-moi le temps de t'expliquer ce que je ressens depuis des mois. Allez, pardonne-moi le fait que je perde mes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec toi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec toi? Prends tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise avec toi? Prends tes valises, que l'on officialise toi et moi. Ah, il est bien cette chanson. Il a un grand sourire. T'aimes bien qu'il vit? Oui. Il est beau lui. Je crois que je vois qui c'est, mais je suis pas trop sûre. Maddy? Oui, Timothée. Moi la prochaine fois, j'emmènerai une chanson qui est du rock. Et du rock? Ouais. C'est coréen. Bah, qu'on a écouté dans la voiture là. Téléphone? Non. Ah, le rock qui est passé en premier là, je crois. Oui. Ah, que tu as dit qu'on met plus fort? Oui. Ah, oui, ah, je sais plus. Corinne, décris-nous qui en veut. C'est Bessin. Un peu grand, musclé. Ah, oui, c'est Bessin. Ouais. J'ai. Pas trop beau. J'ai. Voilà, non. J'ai. Oui. Moi je c'est musique, c'est. Oui, non, c'est une à chaque fois. Une musique. C'est bien musique moi. Alors, on va demander par contre à Émilie. Tu t'as bien aimé. Qu'est-ce qu'elle a pensé de son nous. Passage avec vous ce matin? Hein, parce qu'il y a quand même certains d'entre vous, Juliana et Steven, qui sont aussi souvent avec Émilie. Oui. Hein. Alors, comment tu as trouvé Juliana et Steven ce matin à la radio? Bah, très à l'aise. Oui. Juliana est très à l'aise, Steven très concentré. Oui. Ouais, alors là, super. Hein, et t'es. Sur la table, et... Juliana. Et oui, Juliana, elle est même plus qu'à l'aise, quoi. C'est... Ouais, elle est chez elle, quoi. Voilà. Mais Steven, bien concentré, tu suivais toute l'émission, tu t'es pas perdu. Hein. C'est oui. Très et bien. Tu vois, la dernière fois, déjà, Géraldine, elle t'a félicité. Et. C'est bien, non? Oui. Bravo. Oui. Et les autres? Bah, je vous félicite tous quand même. Hein. Camille, pas très souriante, non, peut-être que... Hein? T'es fatiguée? Un peu timide. Ouais. Hein. Mais ça va mieux quand même. Hein. Et vos questions étaient, je trouve, des très bonnes questions. Hein. C'était intéressant. Est-ce que t'aimes bien ton mari? C'était rigolo. Oui, bah oui. Ah. Mais non, c'est bien. Puis même Zinedine, il est bien investi. Timothée, Christopher. Ça va, elle n'a pas super, des jokers. Et toi, il était bien investi. Ouais. Et Corinne. Ah bah oui. Il y en a beaucoup de l'EME qui pourraient aller à la radio. Hein. Mm. Je trouve voilà. Corinne, ça lui va mieux la radio clim. Hein. Ah, tu penses que je devrais être tout le temps à la radio? Oui. Oh, non, elle devrait changer de métier, quoi, c'est ça? Non. Si. Bah écoute, si non c'est aussi bien payé à la radio, peut-être, oh, mais je crois pas. Pas aussi bien, si non, c'est payé. Non. Qu'est-ce non qu'il y a, Zinedine? Il y a. Rien. Oui. Tu veux qu'elle reste à l'IME? C'est ça? Quoi? Parle dans le micro. On t'entend mais pas. Mais dis, Zinedine. Tu veux que Corinne reste à l'IME? Mais un jour, je partirai de l'IME. Oh hein? Non! Non! Vous rassurer parce que vous aussi vous partirez voilà de l'IME. Si tu pars, je pars. Bah écoute, ce sera peut-être dans les mêmes moments. Hein, ah Juliana. Non, Corinne, t'as 14 ans. Je veux pleurer. Dans 6 ans. Ouais. Ah bah oui. Elle part pas maintenant. Bon, il est 57. Ouais. On va laisser le mot de la fin à Émilie. Eh ben, je vous remercie pour votre accueil, pour vos questions, d'avoir tout préparé, d'avoir pris le temps. Et je suis ravie d'avoir été avec vous à l'émission. Voilà. Nous aussi. Alors, Christopher, nous l'avons perdu. Non. Si, parce que j'ai remarqué depuis le début que tu t'empressais de dire tes questions. Et après, il n'y avait plus personne. Et je pense que Marion aime dire la même chose que moi. Mmh. Donc, Christopher à la technique. Oui, c'est pas trop. Pour la prochaine fois. D'accord. Moi, j'aimerais que tu participes un peu plus parce que tu nous écoutes plus. Oui. Bah, si, hein. Hein, Marion, c'est vrai. Bah, oui, hein. On est tellement bien, technique. Hein. On est tellement bien. Ouais. Et dans une bulle. Ouais. Puis Zinedine qui rigole, je sais pas pourquoi. Mais bon. Et ah. Moi, Christopher, moi, je vais l'éclater, hein, ta bulle, avec un petit pic. Une aiguille. Et moi, attends, prends la roquette. C'était une image. Hein. C'était une image. Ouais. La bulle. Il n'y a pas de bulle. Hein. Alors, peut-être qu'il a suivi l'image et voilà. Attends, j'ai cassé sa voix. Bon, Zinedine, on s'arrête. Alors, on va simplement dire que la semaine prochaine, donc. C'est la Simfro. Voilà, ça ne sera pas vous, ça va être les grands de la Simfro. Alors, je ne me rappelle pas. Ah oui, tous les prénoms. Il y a Teddy. Il y a Eddy, Paul, Marina, Negib, Steven, il me semble. Oui. Et Zinedine Béa. Et Zinedine, voilà. 7. Ben, il me semble. Mais ils ont à revoir, hein, parce que je suis pas sûre de moi, mais ce matin ils en parlaient et apparemment je suis pas sûre pour Steven. Mais Negib, c'est sûr. Parce qu'il avait, c'était à sa demande, hein, au départ, voilà, de venir à la radio. Et si alors moi, on m'entend pas parce qu'il y a Zinedine qui braille dans mes oreilles. Oui, écoutez, merci. Oui. Mais en tout cas, ils sont ravis de venir. Et, Ah bah oui, ils ouais. demandaient. Hein, ouais, c'est ouais. sûr que, voilà. Mais la semaine-ci, apparemment, il en manquait les stages et tout. Oui, ça, voilà, hein. c'est ça. Il y avait pas mal en stage, oui. Et ben voilà, la semaine prochaine avec la CIFRO. Les on salue tous nos auditeurs, on remercie Émilie. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Cacahuète me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Cacahuète. La Mikao, ma Mikao.